Chapitre 5e. Ainsi que l'enquête le démontra, Lord Launceston Stamford s'était évadé de la prison de l'État de New York grâce à la complicité de deux gardiens, les nommés William Firth et Gustav Schumstein, lesquels avaient également disparu. William Firth était le beau-frère du gardien-chef Lewis Cartridge, dont il avait épousé la sœur. Grâce à cette circonstance, il avait fait ses entrées et sorties libres. Il en avait profité, ainsi qu'on le sut plus tard, pour prendre le moulage de la clé fermant la serrure de Lord Stamford, faire fabriquer une double clé, délivrer le prisonnier, l'affubler d'une tenue de gardien de la prison et sortir tranquillement en sa compagnie sans que personne ne se doutât de rien, pas même l'infortuné Lewis Cartridge, dont la fureur était grande. D'après ce qu'on avait pu savoir, les fugitifs avaient rejoint une somptueuse limousine qui les attendait dans une rue voisine et qui avait aussitôt filé en quatrième vitesse. Un épicier des environs prétendait avoir reconnu le gardien Schumstein, assis sur le siège d'avant, aux côtés du chauffeur. L'évasion avait eu lieu vers 8 heures du matin en plein jour. À ce moment, Schumstein était de garde au greffe. William Firth avait dû le convaincre, et il avait abandonné son poste et suivi les fugitifs. Tels furent les seuls faits que l'enquête révéla. Ils produisirent une légitime émotion. S'évader en plein jour de la prison de l'État de New York et en emmenant deux gardiens, c'était là un coup de maître. Et les New-Yorkais, fiers à juste titre de leur police et de leur organisation pénitentiaire, en ressentirent de l'humiliation. Une coïncidence immédiatement frappa la justice et l'opinion publique. Les deux gardiens qui avaient fui avec le prisonnier étaient tous deux d'origine allemande, tous deux nés en Allemagne et naturalisés américains. De là à voir en Lord Launceston Stamford, un des nombreux espions allemands qui infestaient alors l'Amérique, c'était avant l'entrée en guerre des États-Unis. Il n'y avait qu'un pas. Ou plutôt, il n'y en avait pas, car aussitôt, tout le monde fut d'accord à voir la main de l'Allemagne dans toute cette affaire. Ce qui, du reste, ne fit pas retrouver Lord Stamford. Cependant, la police fit discrètement surveiller l'hôtel de la Broadway où était installée l'ambassade d'Allemagne. Lord Stamford ne parut pas. Mais M. Alliston, qui avait été chargé de poursuivre la mystérieuse affaire, avait eu l'idée d'emmener l'épicier qui avait vu l'auto emportant Schumstein, le dit épicier reconnu en l'une des autos attachées à l'ambassade, la limousine sur le siège de laquelle Schumstein trônait lors de l'évasion. L'émotion de M. Alliston fut grande. Il fit remarquer à l'épicier la gravité de son affirmation, mais le digne marchand de mélasse et de conserve maintint son dire. M. Alliston ne put consigner son rapport à la justice. Une commission rogatoire fut envoyée à titre officieux auprès de l'ambassadeur qui répondit, avec son insolence habituelle, qu'il ne connaissait rien de toute cette affaire et qu'on voulut bien le laisser en paix. Il n'y avait pas à insister. Mais l'énigme de la cabine 29 devint encore plus indéchiffrable, car le juge Simons, chargé de l'affaire, ayant fait comparer l'empreinte des doigts de Lord Launceston Stamford avec les empreintes laissées sur la lame du couteau ayant servi à assassiner Samuel Fite, l'on constata que les unes et les autres étaient complètement différentes et ne pouvaient provenir du même individu, à moins, fit remarquer plusieurs journaux, que le criminel n'eût pris la précaution de laisser dans la cabine du crime un couteau quelconque qu'il aurait simplement enduit de sang. Ce stratagème était bien digne de l'infernale astuce allemande, d'autant plus que l'on ne s'expliquait pas bien pourquoi l'assassin aurait abandonné l'arme du crime dans la cabine au lieu de la jeter à la mer, ce qui lui était ridiculement facile. Les empreintes photographiées sur la lame et le manche du couteau furent comparées avec celles des principaux criminels des États-Unis, mais sans résultat. Après tout, l'arme avait-elle été simplement volée à quelques bouchers d'Europe et enveloppée dans du papier en attendant d'être abandonnée dans la cabine? Mais là n'était pas le seul point obscur de l'énigme de la cabine 29. Car le sac de voyage de Samuel Fite avait été retrouvé dans sa cabine et intact. Or, il contenait plus de 700 000 dollars de diamants et autres pierres précieuses. Pourquoi le criminel ne s'en était-il pas emparé, attendu que personne ne l'avait dérangé? La justice se le demanda. Le grossier papier que le commandant du König Harald avait trouvé dans sa cabine et qui dénonçait Teublich comme le voleur du portefeuille de Samuel Fite fut également examiné avec un soin méticuleux. Soumis à toutes sortes de réactifs, il fut photographié. Il portait plusieurs empreintes qui n'étaient pas celles de Lord Stamford. Quant au portefeuille de M. Fite, c'est-à-dire celui trouvé dans la paillasse de Teublich, et que le commandant Hansen s'était empressé de remettre à la justice, il ne révéla rien de nouveau. ou plutôt si, car l'on y découvrit la marque de fabrique d'un maroquinier de San Francisco à qui il fut présenté. Or, le commerçant, en voyant l'objet, déclara formellement et sous la foi du serment qu'il le reconnaissait pour l'avoir vendu à Samuel Fait. Il en donna une preuve convaincante en révélant que sous le monogramme d'or, le cuir avait une légère éraflure, ce qui fut reconnu exact. Samuel Fait avait donc menti en niant que le portefeuille lui appartint. Il avait menti et perdu ainsi plus de 11 000 $, alors que tous ceux qui le connaissaient s'accordaient à le décrire comme un avare sordide. Dans quel but ? Mais Samuel Fait était mort et avait emporté son secret avec lui. La déposition du maroquinier, loin de résoudre l'énigme, la rendait encore plus indéchiffrable. Et l'enquête continua, mais sans espoir d'aboutir. Les gens bien informés affirmèrent que tout cela était un nouveau crime à l'actif des Allemands, et l'on s'occupa d'autre chose, de la guerre européenne et des crimes commis en haute mer par les sous-marins du Kaiser notamment. L'énigme de la cabine 29 eût été sinon résolue, du moins éclaircie, si les policiers américains, dans la matinée qui avait suivi la fuite de Lord Launceston Stamford, avaient pu pénétrer dans un des bureaux de l'ambassade d'Allemagne. Qu'on se figure une petite pièce d'angle, sans autre ouverture qu'une porte renforcée de tôle et copieusement matelassée, et une fenêtre s'ouvrant sur la Broadway. Comme meubles, quelques chaises de rotin, un bureau de tôle peinte et un large coffre-fort. Il y avait 3 hommes dans cette pièce, un gros individu à favoris roux et à œil vert, assis derrière le bureau, un grand gaillard glabre et osseux, dont la face plate s'ornait d'un monocle, et enfin Lord Launceston Stamford, lequel était tranquillement assis sur une chaise et fumait un gros cigare. « Vous voilà libre, monsieur Stamford, » grognait le gros homme assis derrière le bureau. « Vous voyez que nous avons tenu notre promesse. L'Allemagne tient toujours ses promesses. Lorsqu'elle ne peut faire autrement. » constata Lord Stamford en souriant d'un air ironique et aimable à la fois. « Mais laissons cela. Ainsi que je vous l'ai fait dire, je sais où est votre homme. Je me fais fort de le rattraper et de récupérer son butin. Oui, je m'y engage. » Mais pour cela, il me faut 100 000 $. Pas un cent de moins, Major Culbar. 100 000 $. Vous vous moquez, je pense, bredouilla le gros homme, suffoqué par l'énormité de la somme. Cela fait 400 000 marks. Cela en fait même plus de 600 000, Major, car le marque a rudement dégringolé. Mais il n'est pas question de marque, mais de dollars. J'ai dit 100 000 $. C'est à prendre ou à laisser. Et si nous vous remettions entre les mains de la police, ce sera Culbar. Un sourire venimeux aux lèvres. Dans ce cas, la police m'arrêterait, c'est très simple, et moi je raconterai comment et par qui j'étais délivré, avec preuve à l'appui, ce qui est non moins simple, et on rirait. L'Allemand rougit de fureur. On pourrait vous faire disparaître, et personne n'en saurait rien. L'on ne pourrait même pas enquêter. L'ambassade, vous le savez, est un sol inviolable, immunité diplomatique. Oui, mais j'ai des amis qui savent que je suis ici, ils m'attendent même. Et si je ne les rejoignais pas avant ce soir, je ne donnerais pas cher de votre peau, Major. Et ils connaissent également l'histoire de Teublich, que j'ai eu soin de leur communiquer. Ah, et comment ? Demanda ingénument l'Allemand frissonnant. Me prenez-vous pour un diplomate de votre pays pour me croire si épais ? Répondit Launceston Stamford. Qu'il vous suffit de savoir que je dis la vérité, et d'ailleurs vous le savez. Le Major Culbar poussa un soupir qui agita les rideaux de la fenêtre. « Je vais vous faire donner 50 000 $. Le reste vous sera versé à la fin de votre mission, » proposa-t-il. « Fiddlesticks ! Des blagues !» murmura le noble lord. « On paye d'avance. Au reste, vous n'êtes pas obligé d'accepter mes propositions. Si elles ne vous plaisent pas, bonsoir, je m'en vais, étant attendu à déjeuner. Et je prends l'affaire à mon compte, avec ses bénéfices. » Culbar mordit ses lèvres minces. « Horstrug ! » grogna-t-il, en s'adressant à son acolyte à monocle, qui, appuyé à la fenêtre, n'avait pas dit un mot de tout l'entretien. « Allez à la caisse et rapportez-moi 100 000 $. »« En billets américains, naturellement, » précisa Lord Stamford. « Ya, allez vite, Horstrug !» acheva Culbar en lançant Lord Stamford un regard de vipère. Lord Stamford s'inclina. « Et profitez-en, Herr Horstrug, je vous prie, pour faire préparer une auto pour moi. Une autre, naturellement, que celle qui m'a amené ici, » dit-il.